Thank you.

Cama mordo a flanela que me acaba. Entre mourir ou voir la suite. Parfois je me sens plus net et vrai quand j'ai de la tisse dans les veines. Je sais pas ce qui me ferait plaisir pour mon anniversaire. Ne pas le fêter, ça me paraît être une bonne option aussi. Je sais pas si je préfère les burgers ou les kebabs. Plutôt sauce blanche, plutôt sauce samouraï. Je sais pas si t'embrasser ça me fait du bien ou du mal. On est quel jour, ça va? J'en sais rien. préfère. Pas un peu la caf, je sais pas si je préfère. La clope ou l'alcool, je sais pas si je préfère. L'alcool le matin, je sais pas si je préfère. Le début ou la fin, je sais pas si je préfère. Tes yeux de ce matin, je sais pas si je préfère. Ma tête dans tes mains, je sais pas si je préfère. Mon corps dans le rein, je sais pas si je préfère. Carrefour Leclerc, je sais pas si je préfère. Une fille ou un gars, je sais pas si je préfère. André ou Michel, je sais pas si je préfère. Pizza au kebab, je sais pas si je préfère. Je sais pas si je préfère. Je sais pas si je préfère. Je sais pas si je préfère. Yeah.